Bienvenue. Oui, je suis désolé. Alors oui, c'est le fou rire dans le studio. Pourquoi ? Parce que donc j'ai parlé un petit peu avant que ça démarre. Et donc voilà, vous savez ce que c'est, les aléas du direct. C'est Exocet, chers amis, que vous nous écoutiez dans l'Hérault, le Vaucluse, le Gard ou les Bouches-du-Rhône. Ça se passe sur le 102.5 ou sur rage.fr si vous nous écoutez sur internet. À mes côtés, Thomas. Bonsoir Patrick. Et aux machines, c'est Mika. Bonsoir Patrick. Bonsoir Thomas. Bonsoir Mika. Alors, on va démarrer avec avec une histoire qui fait froid dans le dos. Je l'ai découverte il y a 2 semaines, parce que juste avant de démarrer cette émission, je tiens à dire que depuis qu'on a démarré Exocet, on a fait le tour de la plupart des histoires bizarres connues. Donc, on est obligé de creuser pour trouver des histoires un petit peu plus intimistes, un petit peu moins répandues. Et à chaque fois, on tombe sur des petites perles. Et donc, il y a celle-là dont je vais vous parler à présent, l'histoire du sanatorium de Waverly Hills. Alors, avant tout, il faut savoir qu'au début du XXe siècle, aux États-Unis, le fléau le plus inquiétant, le plus dramatique, c'était la tuberculose. C'était l'équivalent de la peste. On l'appelait d'ailleurs la mort blanche, en opposition à la mort noire pour la peste. Donc, puisque les malades de la tuberculose donc devenaient très pâles, très blancs, puisque leur corps ne créait plus de globules rouges. Et donc, au début du XXe siècle, la ville de Louisville, dans le Kentucky, était la ville donc qui souffrait du plus grand nombre de tuberculeux de tout l'État. Et en 1910, donc, pour essayer de contenir cette épidémie, on fait construire un hôpital de 2 étages avec 40 lits sur la colline la plus élevée de la ville, puisqu'on pensait que la cause de tous ces cas de tuberculose, c'était la proximité des marécages, puisque donc Louisville était construite sur un terrain très marécageux. Donc on avait construit cet hôpital en hauteur, et comme les cas se multipliaient, il a fallu très vite construire un bâtiment plus important. Donc après avoir accueilli 11 millions de dollars, la ville érige un nouvel hôpital en 1924 qu'on baptise Waverly Hills. Alors cet hôpital était considéré comme un des plus avancés d'Amérique. C'était le meilleur endroit possible pour suivre un traitement, mais à l'époque les traitements étaient primaires puisqu'on n'avait pas de vrai remède contre la tuberculose. Donc on supposait que laisser les malades à l'air frais, les nourrir de telle ou telle manière, ça pouvait les aider, mais en réalité on n'avait pas de vrai remède. Donc la plupart des patients venaient à Waverly Hills pour mourir tout simplement, et on estime que plusieurs dizaines de milliers de personnes y ont vu d'ailleurs leur dernier jour. Alors les patients étaient soumis à diverses expérimentations assez douloureuses. On faisait des tests sur eux, on leur implantait des ballons dans les poumons pour essayer de les dilater davantage, souvent avec des résultats désastreux d'ailleurs. Il y avait une opération qui s'appelait la thoracoplastie, qui consistait à scier les côtes pour que les poumons aient plus d'espace. Mais cette dernière technique était utilisée en dernier recours, parce que 5% des patients seulement y survivaient. Alors on plaçait aussi les mourants sur les toits du bâtiment, et face aux fenêtres ouvertes, été comme hiver, en pensant donc que l'air frais les aiderait, leur permettrait de se soigner. Et il y a des photos de l'époque où on voit des malades donc couverts de neige, donc des mourants couverts de neige, parce qu'on les laissait donc au plein air. Et évidemment, ces gens-là ne survivaient pas longtemps. Alors des familles entières venaient vivre à Waverly Hills, puisque donc la tuberculose était contagieuse. Certains guérissaient, mais la plupart quittaient l'hôpital à travers ce qu'on a appelé le tunnel de la mort. Alors c'était un long tunnel, un tunnel incliné qui passait sous l'hôpital. Il était équipé de rails et de câbles pour acheminer les morts jusqu'à une voie ferrée qui se trouve au pied de la colline, et sur laquelle donc on rapatriait ensuite les cadavres dans des wagons. Et grâce à ce tunnel, les patients ne voyaient pas le nombre de morts qui quittaient l'hôpital, ce qui aurait pu évidemment affecter leur morale, puisque s'ils s'étaient aperçus que la grande majorité des patients qui rentraient dans la clinique repartaient par le tunnel, bon, évidemment, leur morale en aurait été très largement affectée. Dans les années 50, la tuberculose est éradiquée grâce à un médicament qui s'appelle la streptomycine. Il est mis au point par le professeur Albert Schatz. Et du coup, l'hôpital de Waverly Hills est fermé en 1961, puisque donc on n'a plus besoin d'un établissement pour tuberculeux. Et ce bâtiment était entièrement dédié à cette maladie. Mais les portes du sanatorium ouvrent l'année d'après, elles rouvrent l'année suivante, en 62. Et donc le bâtiment prend un nouveau nom. Il s'appelle alors Sanatorium Gériatrique de Woodhaven. Et ce sanatorium-là souffre d'une réputation terrible parce que donc durant les années 60 et 70, il y a des rumeurs qui circulent, des rumeurs de mauvais traitements, des conditions de vie atroces, et on parle aussi d'expériences inhabituelles. Alors certaines de ces rumeurs sont prouvées et l'hôpital finit par fermer ses portes définitivement en 1982, donc pour maltraitance sur les patients. Et le bâtiment, l'hôpital et les bâtiments attenants ainsi que le terrain commencent à changer de main au fil des enchères. Ça dure 18 ans. Le deuxième propriétaire de Waverly Hills veut tout démolir pour construire la plus grande statue de Jésus au monde. Alors bon, c'était un original. Il voulait construire une statue basée sur le Jésus du Corcovado au Brésil. Démesuré, encore plus gros que l'original. Mais comme il ne peut pas obtenir l'autorisation de raser l'hôpital, il décide de tout faire pour le saccager, pour que finalement on décide de lui accorder ce droit. Alors donc il laisse rentrer des vandales à l'intérieur, qui bourrent l'ancien hôpital de graffiti, qui casse les vitres, qui casse les éviers. Il fait creuser des trous, cet homme, il fait creuser des trous autour des fondations pour que les fondations craquent. Mais le bâtiment tient bon. Et aujourd'hui, le sanatorium de Waverly Hills est désaffecté, saccagé par le temps et par les vandales, mais il est toujours là. Alors avec les années, bien sûr, des histoires ont commencé à circuler. Alors il y a beaucoup de squatteurs dans cet endroit-là, évidemment, donc des gens ont commencé à entendre des voix, des hurlements, des pleurs. Il y a beaucoup de visiteurs qui s'y sont rendus, des chasseurs de fantômes notamment, ou même des jeunes en mal de sensations fortes. Et donc ils ont ramené beaucoup de témoignages, des témoignages qui mentionnent des ombres qui se déplacent à travers les pièces, des boules de lumière et des silhouettes apparaissent sur certaines photos au développement. Et il y aurait des endroits de l'hôpital plus hantés que d'autres, parmi lesquels la chambre 502, qui est devenue une sorte de légende à l'intérieur de la légende. Alors en 1928, il faut savoir qu'une infirmière qui s'appelait Marie Hillenburg se serait pendue au plafond de la chambre, et en 1932, une autre infirmière se serait jetée par la fenêtre sans explication. Donc ces deux suicides ont contribué à donner une aura encore plus maléfique à cette chambre 502, et on ira apporte beaucoup d'activités surnaturelles, beaucoup de voix. Il y a beaucoup d'EVP qui ont été enregistrés, donc des gens ont amené des magnétophones et ont capturé des voix fantomatiques sur bande magnétique, et il paraîtrait que cette chambre est particulièrement habitée. Évidemment, le lieu le plus effrayant de l'hôpital, c'est le tunnel de la mort, qui est réputé pour être le siège de nombreuses apparitions, et beaucoup de témoins racontent avoir entendu des voix dans le tunnel. Donc effectivement, on peut difficilement imaginer un endroit plus sordide et lugubre que celui-là, un long tunnel qui servait à acheminer des cadavres par paquets de 10. Il y a des apparitions aux différents étages, des apparitions différentes et qui sont devenues célèbres avec le temps. Donc par exemple, il y a beaucoup de visiteurs qui disent avoir vu une petite fille au troisième étage. Alors elle jouerait avec une vieille balle en cuir qu'on entend parfois rebondir sur le plancher de l'étage. Cette petite fille a été baptisée Marie parce qu'on a retrouvé une photo dans les décombres. Sur cette photo, il y avait une enfant et le nom Marie était écrit dessus. Donc on lui a attribué ce prénom-là. Certains témoins disent avoir vu une petite fille sans yeux, et ça serait celle-là. Il y a une autre apparition aussi qui est fréquemment rapportée, c'est celle d'une vieille femme avec les mains attachées, qui court dans l'entrée principale du bâtiment en suppliant qu'on vienne l'aider. Donc voilà, c'est un endroit particulièrement inquiétant, particulièrement effrayant. Et déjà, quand on voit les photos, les simples photos des murs, ça fait froid dans le dos, puisqu'on a l'impression de se retrouver face à un décor de film. Et d'ailleurs, il y a de nombreux documentaires qui ont été tournés dans l'enceinte de Waverly Hills, et même un film qui s'appelle Death Tunnel, donc le tunnel de la mort. Et ce vieil hôpital abandonné est considéré aujourd'hui comme un des endroits les plus hantés d'Amérique. Sur Age 102.5, c'est Exocet. Si vous avez raté le début de l'émission, je vous ai raconté l'histoire du sanatorium de Waverly Hills, qui est considéré comme un des endroits les plus hantés d'Amérique. Donc un ancien sanatorium qui accueillait des tuberculeux et dans lequel aujourd'hui de nombreux témoins racontent avoir vu des silhouettes, des ombres passer, avoir entendu des voix effrayantes. Et donc le lieu, c'est vrai, est assez refroidissant. Donc d'ailleurs, si vous êtes un lecteur du blog d'Exocet, je vous mettrai des photos de l'endroit en question ou sur le forum de rage.fr et vous verrez que c'est parfait pour tourner un film d'horreur. D'ailleurs, un film d'horreur a été tourné sur ce thème. C'est au tour de Thomas de nous raconter une histoire. Oui, et c'est ce soir un mystère qui a interrogé la communauté scientifique pendant pas mal de temps, puisque les solutions ont été trouvées. Vous allez voir que c'est assez surprenant. Les rochers vivants. Alors, qu'est-ce que sont que les rochers vivants ? C'est tout simplement des roches qu'on découvre le matin, et on s'aperçoit qu'elles se sont déplacées, parfois de plusieurs mètres, parfois de quelques centimètres, et pas en roulant en fait sur elles-mêmes, puisque si on regarde les sillons, on voit très bien que les rochers se sont déplacés de façon, sur une seule face, sur leur largeur, qu'elles n'ont donc pas roulé. Et donc c'est assez surprenant, et les scientifiques pendant longtemps se sont demandé comment un tel phénomène était possible. Alors, il y a eu différentes explications et vous verrez qu'en fait elles varient en fonction des lacs. Pour l'instant, je vais vous parler du lac le plus connu, enfin plutôt ancien lac le plus connu, puisque ces phénomènes se produisent dans des anciens lacs. Le plus connu est le Racetrack Playa. Alors en fait, c'est une sorte de lit asséché d'un lac qui fait 2 km de large, qui fait 5 km de long, sur une surface complètement plane. Alors le sol de ce lac est totalement argileux, donc effectivement on a une surface très très régulière. Ce qui s'est constaté pendant de nombreuses années, c'est juste un phénomène de rochers qui se déplaçaient. Alors de nombreux scientifiques sont venus sur place. Les premières études datent de 1955 avec un géologue qui s'appelle George Mac Stanley, qui écrivait donc pour la Société américaine de géologie. Alors pour lui, dès le début, même avant d'étudier le lieu, il y voyait en fait une conjuration des effets mécaniques de la glace et du vent. Donc pour lui, en gros, sa théorie, c'était que des couches de glace se formaient autour des roches, que le vent rentrait en action et soulevait ces plaques de glace, et donc donnait un mouvement uniforme à tous les rochers, parce que ça aussi, c'est un détail qui est assez intéressant, c'est qu'on constate que tous les rochers bougent ensemble, en même temps, et sur la même distance, sauf certains qui, eux, se retrouvent isolés, et vous allez voir que, pour certains, il y en a qui ont parcouru des distances assez hallucinantes. Alors, on a jugé cette thèse assez plausible. C'est vrai qu'on peut très bien imaginer comme ça une action du vent sur une plaque de glace qui soulèverait un ensemble de rochers, les ferait déplacer. Cela dit, si elle est valable pour certains lacs, celui dont je vous parle, le Racetrack Playa, c'est totalement impossible par le simple fait qu'on est dans un milieu désertique, donc il n'y a absolument pas de glace. Alors les scientifiques se sont vraiment penchés sur celui-là en particulier, et une mission a été menée pendant 7 ans, où des équipes ont été dépêchées sur place, ont marqué au sol les emplacements des différents rochers. Alors ils en ont sélectionné comme ça un panel assez complet, allant du petit galet jusqu'aux rochers de plusieurs kilos, pour voir un petit peu lesquels étaient les plus influencés. Ils les ont marqués individuellement. Petit détail amusant, ils leur ont donné un nom pour essayer de les identifier. D'ailleurs, quand on va sur place, puisque c'est dans un parc national, on retrouve le nom gravé sur les rochers, donc c'est assez étonnant. Et donc en 1969, tout ça est mis en place et cette étude va durer 7 ans. 7 ans pendant lesquels ils vont prendre toutes les mesures nécessaires pour essayer de comprendre le phénomène. Et alors, au bout des 7 ans, ils sont arrivés en tout cas à la conclusion suivante, c'est que tous les rochers avaient à peu près bougé de 262 mètres en moyenne, et que le rocher qui s'était le plus déplacé, lui, avait fait seulement 201 mètres de distance, avait parcouru seulement 201 mètres. Ils ont constaté aussi que, donc comme je disais tout à l'heure, tous les rochers avaient une direction uniforme, donc ils convergeaient tous vers un point précis. Donc ce point précis, c'était en direction du nord-nord-est. Là, ils se sont tout de suite aperçus qu'effectivement, le vent dans cette région allait principalement dans ce sens-là. Mais ils comprenaient toujours pas comment le vent pouvait arriver à pousser des galets dans le sable. Et puis un jour, un des scientifiques s'est un petit peu plus penché sur les traînées qui étaient laissées, et il a constaté que devant ces traînées, il y avait un amalgame de débris, comme si donc le galet avait bien frotté au sol. Et donc pour qu'il y ait cet amalgame, c'est pas possible sur sol sec, c'est-à-dire que le sable se met sur le côté et laisse pas de petits paquets devant. Donc il arrive à la conclusion que ces rochers s'étaient déplacés par temps humide, ou en tout cas avec un sol assez meuble. Et donc il a repris toutes les statistiques et il s'est aperçu d'après ces statistiques que les plus grosses fréquences de mouvement étaient apparues à des périodes très précises, notamment les hivers de 68 à 69, de 72 à 73 et de 73 à 74, qui ont été des hivers où il a particulièrement plu dans la région. Donc là il a commencé à se forger une certaine idée de la solution et il s'est dit... Donc la pluie doit jouer un rôle là-dedans et il a créé une sorte de mini-modèle de ce désert et a remis en place les conditions. Et en fait, il est arrivé à la conclusion tout simplement que certains hivers, donc il pleuvait suffisamment, mais pas trop, pour que le sol soit juste légèrement humide. Vu que c'était un ancien lac, la couche était assez argileuse et donc avec une quantité d'eau bien précise, en fait, les rochers se trouvaient en suspension sur une légère couche de surface, comment dire, un petit peu huileuse. Et donc l'action du vent poussant là-dessus réussissait à faire déplacer tous les rochers dans un sens commun. Et donc il avait réussi à trouver l'explication pour celui-là. Alors à l'heure actuelle, c'est la seule explication qui existe. Alors d'autres théories sont avancées sur ce lac-là. Vous imaginez bien que forcément certains y voient des signes absolument surnaturels. D'autres envisagent même l'hypothèse que ça serait des plaisantins. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui maintenant, c'est des milliers de visiteurs qui viennent sur site, donc on verrait forcément s'il y avait une action comme ça extérieure. Ce qui reste assez troublant, c'est qu'effectivement on sait que ces rochers bougent, mais on ne les voit jamais bouger, puisque à chaque fois ces mouvements se produisent à des moments où il n'y a soit pas de témoins, soit en tout cas c'est un mouvement qui est trop lent pour qu'on puisse le discerner à l'œil nu. Il est arrivé quand même quelquefois qu'en une seule nuit, ces rochers se déplacent d'un ou voire deux mètres. Donc vraiment des phénomènes assez hallucinants. Alors d'autres lacs comme ça existent dans le monde, notamment en Écosse, hein, où ça marche plutôt pas mal. Alors là, l'explication est assez différente. On a mis aussi pas mal de temps à le trouver. En fait, là, c'est dû tout simplement à l'action de l'eau qui gèle en hiver, qui donc forme des couches de glace qui vont répartir des forces de façon homogène tout autour et donc pousser tous les éléments à la manière des glaciers, en fait. Sauf qu'on ne pensait pas que c'était possible sur de l'eau douce et en si petite quantité. Et en fait, on s'aperçut effectivement à ce moment-là que la glace avait une force assez terrible et arrivait effectivement à déplacer ces rochers. Et donc, ça a répondu à une question scientifique qui s'est posée pendant quasiment plus de 80 ans depuis la découverte de ces fameux lacs et de ces fameux phénomènes. Et donc ouais, comme tu le dis, le mouvement de ces pierres est tellement lent que si on les observe à l'œil nu, on risque pas de les voir se déplacer, quoi. C'est sur voilà. La durée qu'on s'aperçoit qu'ils ont bougé. Voilà, c'est apparemment sur plutôt une longue durée, hein, puisqu'il a fallu 7 ans quand même pour prouver, mais on voit quand même qu'en 7 ans, certaines pierres ont réussi à faire plusieurs centaines de mètres. Donc il y a bien des moments où ça a dû être perceptible à l'œil nu, le phénomène. Ce qu'il y a, c'est que souvent ça se produit dans des moments où il n'y a pas de témoins, parce que effectivement, s'il faut plusieurs éléments assez violents, phénomènes naturels assez violents, on se doute bien qu'il n'y a personne sur place pour regarder, notamment s'il faut une conjonction de vent violent, de bourrasque, de pluie, de glace, etc., pour que ce phénomène se produise. On imagine qu'il n'y a pas grand monde dehors en train de regarder ce qui se passe. Et donc, effectivement, on sait que les rochers bougent. Cela dit, personne jamais ne les a vus bouger, même pas une caméra d'ailleurs. Alors, peut-être qu'à l'échelle des pierres, évidemment, elles se déplacent normalement, tranquillou. Voilà. Et puis, bon, elles voient des générations d'hommes crever à essayer de les observer. Et puis donc là, forcément, avec la durée de vie du caillou, elles peuvent prendre leur temps. Voilà. C'est clair. On marque une pause musicale dans cette émission et on revient juste après pour une histoire de poltergeist dans une clinique d'Arcachon. Ignorance isn't bliss. Familiarity still ends in contempt. I am hopeful or just gullible? Are you hopeful or just gullible? Just got worse. Status depends on the size of your purse. There it is again, that lock of heaven won't sit still. Our earthly pleasures distract us against our will. Are you hopeful or just gullible? Are you hopeful or just gullible? About tomorrow. Exocet, vous écoutez Rage 102.5 et avant le morceau qu'on vient d'écouter, Thomas nous a parlé d'une histoire de rochers qui se déplacent, de rochers qui bougent, donc c'est observé, c'est mesuré, on ne sait pas exactement comment ça se passe, mais ça se passe, et on reste dans le même registre puisque je vais vous raconter une histoire de cailloux qui sont tombés sur une clinique, et ça se passe en 1963 dans une clinique d'Arcachon. Arcachon, donc cette station balnéaire près de Bordeaux, et donc un phénomène vraiment inexpliqué s'est produit du mois de mai jusqu'au mois de septembre 1963. Et le récit fut notamment rapporté par le propriétaire de la clinique, hein, qui s'appelait, puisque la clinique n'existe plus, le docteur Queneau. Donc c'est quand même un témoin de confiance, vu qu'il avait aucun intérêt à faire une mauvaise pub à son propre établissement. Alors, à partir du mois de mai 1963, donc, des cailloux de différentes natures, des gros, des petits, s'abattent sur l'établissement, et sur la terrasse en particulier, puisque donc il y avait une terrasse dans cette clinique sur laquelle les patients pouvaient prendre des bains de soleil. Et ces cailloux viennent de nulle part, avec des trajectoires et des vitesses variables. Et durant les 5 mois où se déroule le phénomène, on estime qu'environ 300 cailloux ont été projetés sur les malades, sans qu'aucun ne soit jamais sévèrement blessé. Donc ça, c'est assez surprenant. Alors, il y en a deux qui ont peut-être eu des blessures plus importantes que les autres dans le tas, mais sur 5 mois, c'est quand même assez surprenant qu'il n'y ait jamais eu de blessures réelles, d'autant que les cailloux, à partir d'une certaine période, se mettaient à tomber de manière plus rapide, plus intense et plus importante, donc... Voilà, et la seule condition nécessaire au phénomène, c'était la présence d'une jeune fille, une patiente âgée de 17 ans, qui s'appelait Jacqueline R. Donc voilà, R, c'est juste l'initiale de son nom, puisqu'évidemment l'anonymat a été conservé. Alors elle attire évidemment les soupçons, tout le monde se dit que ça doit être elle, puisque dès qu'elle est là, les cailloux commencent à tomber, et dès qu'elle s'absente, bizarrement, ça ne tombe plus. Mais les soupçons qui étaient portés sur elle n'ont jamais été confirmés, malgré la surveillance dont elle était l'objet. Et en plus de ça, elle a reçu elle-même beaucoup de cailloux. Donc voilà, elle a reçu beaucoup de pierres, et on se demande comment elle aurait pu s'auto-lapider. Alors d'après le docteur Queneau, le phénomène démarre quand le personnel et les malades apprennent que la clinique va être fermée. Et au début, c'était une certaine Angelina M qui était particulièrement visée par les pierres. Et quand elle part au mois de juillet, donc, c'est Jacqueline qui prend le relais, comme si elle se retrouvait être la cible privilégiée de ces jets fantomatiques qui viennent de nulle part. Et comme je vous le disais, le nombre et le poids des cailloux augmentent de manière inquiétante, avec une trentaine de jets certains jours de l'été. Alors, il y a un spécialiste des phénomènes paranormaux qui s'appelle Robert Toquet, qui enquête sur les lieux au mois de septembre. Il dort dans la chambre contiguë à celle de Jacqueline, et la première nuit, il rapporte donc qu'il entend 4 coups violents à sa porte, séparés chacun par 10 secondes d'intervalle. Et ça, c'est 4 heures du matin, il entend un premier coup, 10 secondes s'écoulent, deuxième coup. Au troisième coup, il se lève, il ouvre brutalement la porte, mais personne ne se trouve derrière la porte, il tombe juste sur le couloir vide. Et il entend alors frapper un quatrième coup qui vient de nulle part, comme porté par une main invisible. Et ce coup fait vibrer la porte, selon les dires, donc selon les écrits rapportés par Robert Toquet. Et à partir du mois de septembre, donc, le phénomène s'arrête. Net, sans aucune explication, sans plus d'explication que son apparition. Alors, les soupçons, évidemment, ont toujours été portés sur cette Jacqueline, même si on n'a jamais pu prouver qu'elle était responsable, et vraiment, on se demande comment elle aurait pu attirer des cailloux sur elle et sur les autres patients. Donc, il y a eu beaucoup d'interprétations, des interprétations liées à la psychologie. On se disait qu'il y avait une espèce de psychose collective, mais bon, la psychose collective ne fait pas apparaître des cailloux, puisque les cailloux étaient là, c'est quand même des éléments concrets. Et la clinique, aujourd'hui, n'existe plus, hein, c'est un immeuble qui a été construit par-dessus. Mais si vous vous baladez dans les environs d'Arcachon, bah prévoyez quand même un parapluie, on sait jamais ce qui peut se passer. Un bon parapluie. Mais... Voilà, ça se passait dans les années 60, et à l'heure actuelle, on n'a toujours pas d'explication sur ce phénomène dit du poltergeist d'Arcachon. Voilà, on marque encore une pause musicale dans cette émission, et Thomas nous racontera après une nouvelle histoire. Restez sur Rage. I'm gonna put it 6 feet underground. He said, I'm gonna buy this place and watch it fall. Stand here beside me, baby, in the crumbling walls. Oh, I'm gonna buy this place and start a fire. Stand here until I fill all your heart's desires. Because I'm gonna buy this place and see it burn. And do back the things it did to you in return. said, I'm gonna buy this place and see it go. Stand here beside me, baby, watch the orange glow. Some all laugh, some just sit and cry. But you just sit down there and you wonder why. So I'm gonna buy a gun and start a war. If you can tell me something worth fighting for, then I'm gonna buy this place, is what I Coldplay à l'instant sur Rage 102.5 avec A Rush of Blood to the Head, et Thomas à présent va nous raconter une nouvelle histoire. Alors ça va parler du lac de Vostok. Alors le lac de Vostok, c'est un lac qui est emprisonné dans les glaces de l'Arctique par plusieurs milliers de mètres de profondeur. Vous allez voir que c'est assez impressionnant. Alors en fait, ce lac d'abord a été découvert complètement par hasard, puisque bien avant même qu'on découvre son existence, des missions spécialement russes venaient s'installer au-dessus, en fait, parce que c'était une surface très très plane. Donc ils venaient installer leur campement pour leurs études scientifiques, parce que déjà, pendant la guerre froide, etc., ils prélevaient des carottes, ils essayaient certainement aussi de voir des débouchés militaires à des installations en Arctique. Et puis ils ont commencé à soupçonner la présence d'eau par divers petits détails assez troublants. Ce qu'il y a, c'est que donc le lac est quand même sous 3620 mètres de glace, donc c'est assez colossal. Et donc au début, effectivement, on soupçonnait la présence d'eau, on a essayé de forer, vous imaginez que les forêts n'allaient pas aussi loin que ça à l'époque, en tout cas. Et donc on n'a jamais réussi à atteindre l'eau. Et puis en 96, les choses se sont débloquées de façon assez rapide, puisque on a tout simplement fait des photos satellites du lieu, et on s'est aperçu effectivement, la communauté scientifique s'est aperçue effectivement qu'il y avait là sans doute un des potentiels historiques sur la découverte du passé les plus importants qu'on ait jamais découvert, puisque tout simplement Ce lac est totalement hermétique, fermé sur lui-même, donc en contact avec aucune source extérieure de pollution, aussi bien humaine qu'animale, hein, et que ça fait 1 million d'années que c'est le cas. Ça voudrait dire que dans ce lac, il y aurait des témoignages géologiques du passé de la Terre jusqu'à 1 million d'années. Et donc, les scientifiques seraient très très tentés de pouvoir accéder jusqu'à l'eau. Alors là, il y a eu un petit peu de dissonance au sein de la communauté scientifique, parce que les uns veulent absolument découvrir ce qu'il peut y avoir dans cette eau, les autres veulent protéger le lieu parce qu'ils disent que pour l'instant on n'a pas la technologie d'aller explorer ce lac sans le polluer, et c'est vrai que si à partir du moment où on va créer une ouverture, on risque de faire rentrer des agents contaminants à l'intérieur. Alors, ils ont un petit peu tranché dans le vif et décidé d'uniquement faire des expérimentations et prendre par exemple des carottes qu'à 25 km de distance du lac. Mais à 25 km, ils ont découvert des choses assez étonnantes, notamment la trace de bactéries qui sont assez spécifiques, puisque c'est des bactéries thermophiles. Donc en fait, clairement, normalement, c'est ces bactéries qui vivent au fond des mers, près des sources chaudes qui sont réchauffées par la lave qui sort du centre de la Terre. Or là, ce lac est complètement hermétique, fermé sur lui-même, il n'y a aucun volcan, aucune activité sismique en dessous, donc on explique difficilement comment des bactéries normalement adaptées à un milieu assez chaud se retrouvent à pouvoir survivre dans ce lac. Alors ils se sont dit peut-être que c'est une pollution extérieure, donc ils ont mené comme ça plusieurs enquêtes, et effectivement, ils ont réussi comme ça à trouver l'ADN de pas moins de 250 bactéries. Et puis en faisant le tri, ils en ont éliminé pas mal. Il en reste quand même dont ils sont persuadés qu'elles viennent du centre de ce lac. Donc ils sont pour la plupart maintenant convaincus qu'il y aurait de la vie dans ce lac, de la vie qui daterait 1 million d'années, puisque complètement isolée. Et ils se demandent effectivement ce qu'on va pouvoir rencontrer, quel type de bactéries. Et ils sont évidemment très tentés pour aller voir tout ce qui se passe là-bas. Alors, évidemment, se joint à ça aussi diverses autres théories, puisque dernièrement, sur Internet, un document secret. Alors ça, voilà, j'ai vu le document en question, j'ai vu plusieurs sites en parlant. Bon, un document secret, quelque part, tout le monde le crée comme il en a envie. En tout cas, un document secret a créé la polémique. Ça serait un document qui émanerait de la retranscription d'une conversation entre deux émissaires européens, qui parlerait effectivement d'un objet qui aurait été remonté par les Américains du lac, un objet apparemment énorme avec une magnitude assez exceptionnelle. Alors, pas mal d'explications filtrent sur la découverte de cet objet, notamment par exemple qu'ils auraient découvert, alors ça serait une espèce de forme de grosse boule énorme, qu'ils auraient découvert cette boule grâce justement à son magnétisme, parce que les avions passant au-dessus auraient été comme légèrement attirés vers le sol avant de quitter la zone, etc. Donc ils auraient repéré cette boule-là comme ça. Et donc en ce moment, c'est la grosse polémique sur Internet, à savoir, donc est-ce que les Américains ont effectivement trouvé quelque chose? Est-ce que c'est monté de toutes pièces? Parce que pour l'instant, tout ce qu'on a, et ce qui est déjà assez merveilleux sur ce lac, hein, parce qu'il faut dire quand même qu'une eau comme ça d'un million, c'est une eau absolument pure, qui contient deux fois plus d'oxygène que n'importe quelle autre eau dans le monde. Bref, c'est vraiment c'est une richesse, en tout cas déjà là, en termes géologiques, absolument inestimable. Donc vient se greffer en plus là-dessus toute cette petite histoire, et effectivement, on sait en tout cas que du côté russe, des questions sur cet objet trouvé ont été soulevées vis-à-vis des Américains, auprès de la communauté internationale. Alors voilà, la découverte de cet objet évidemment lance aussi le débat de la présence extraterrestre, etc., voire même intraterrestre, puisque certains vont même jusqu'à imaginer que ce lieu étant complètement isolé, il est possible, effectivement, d'après les théories de l'évolution, que des espèces animales se soient développées de façon complètement différente. Parce qu'il faut savoir que quand on parle de lacs, en Antarctique, c'est des centaines et des centaines de kilomètres carrés qui sont recouverts. Hein. C'est pas des petits lacs. Donc, il y aurait possibilité, effectivement, d'avoir des organismes de grande taille qui vivraient dedans. Donc, peut-être des animaux qu'on n'a jamais connus, ni quoi que ce soit. Le dernier aspect un petit peu étrange autour de ce lac, c'est que plusieurs scientifiques, eux, se sont réunis pour ne pas qu'on perce la calotte glaciaire qui protège le lac de l'air extérieur. Alors non pas pour des raisons écologiques de pollution, de préservation de cet écosystème absolument étonnant, mais parce que d'après leurs études, à l'intérieur se seraient mélangés plusieurs gaz, notamment du nitrogène, et dû à la présence assez conséquente et énorme d'oxygène. Ils ont peur qu'il y ait eu un mélange de ces deux gaz qui rendrait l'eau instable et qu'en fait la pression sous la calotte glaciaire serait telle que si jamais on perçait ne serait-ce que le moindre trou dans cet hermétisme, il y aurait une espèce de réaction un petit peu comme sur une canette de soda et ça provoquerait une explosion assez gigantesque. Donc ils ont même à la rigueur peur pour les scientifiques eux-mêmes sur place et puis pour une partie de la planète parce qu'ils pensent que ça peut aller jusqu'à des proportions assez énormes. Donc ils ont créé un petit peu la peur. Donc c'est vrai que maintenant plus personne n'ose vraiment prétendre aller creuser aussi profond, en tout cas pas tant qu'on ne sera pas sûr de la sûreté du lieu. Et t'as parlé d'organismes qui ont été trouvés dans le lac. Voilà. Alors en fait, ils n'ont pas réussi à les prélever directement dans le lac puisqu'on n'a pas accès à cette eau. Hein. Le forage le plus proche qui a été réalisé s'est arrêté à quelques centaines de mètres. C'est les Russes qui l'ont tenté à l'époque. Mais par contre, donc, on a trouvé aux abords du lac des traces d'ADN. On a trouvé des bactéries enneigées, etc. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a en article des chances de pollution qui viennent de l'extérieur. Donc, ils ont fait par élimination toutes les sources de pollution qui pouvaient avoisiner ce lieu. Et ils ont réussi comme ça à éliminer pas mal de bactéries qui, effectivement, ont été amenées par le vent, amenées par la pollution humaine, etc. Mais sur les centaines de bactéries qu'ils ont découvertes sur place, il y en a certaines qui ne correspondent à aucune bactérie connue. Et donc, ils savent que, en tout cas, le seul lieu d'où elles peuvent revenir, c'est ce lac-là qui est le plus proche. Donc, ils savent, effectivement, de façon certaine, qu'il y a des bactéries vivantes à l'intérieur de ce lac, des bactéries donc qui datent de plusieurs millions d'années. Oh, parce que l'idée d'une bactérie, d'un organisme capturé dans la glace depuis des millions d'années, ou même celle d'un objet, donc d'une civilisation antique qui se serait perdue dans les glaces, c'est donc une idée qui a été largement traitée en littérature et à l'écran aussi. Et en littérature, je pense notamment à La Nuit des Temps de Barjavel, voilà, où on trouve une capsule sous la glace, donc avec une femme à l'intérieur. Mmh. Et une femme et un homme. Une femme et un homme à l'intérieur. Donc c'est vrai que c'est une idée qui a déjà fait largement fantasmer les esprits. Et pour la bactérie, je pense à un épisode de X-Files, ouais, où ils trouvent donc des vers sous la glace qui sont porteurs d'un virus qui serait vraiment très très dangereux pour l'humanité. Et donc voilà, c'est clair que c'est une idée qui fait tourner la tête. Bah alors je pense quand même que la théorie qu'on trouve juste des bactéries, c'est à mon avis ce qui va arriver. La théorie effectivement de cet objet étrange que les Américains nous cacheraient depuis quelques mois, hein, parce que la polémique enfle que depuis quelques mois, me paraît effectivement très très très légende urbaine en fait au bout du compte. Enfin, ça fait très complot, il y a pas de raison, surtout que c'est quand même la communauté internationale qui est sur place, hein, qui réalise les forages, qui réalise les études scientifiques. On voit mal comment les Américains auraient pu de leur côté tirer leur épingle du jeu, dissimuler l'objet, etc. Alors que c'est quand même un travail collectif qui est fait sur place. Donc j'ai l'impression que ça, en tout cas, ça relève beaucoup plus du fantasme que d'une réalité certaine. En tout cas, ce qui est posé, c'est que des êtres vivants, enfin des organismes vivants, non connus encore, datant de plusieurs millions d'années, ont été retrouvés dans des profondeurs glaciaires, qu'on ne sait pas comment ils vivent parce qu'ils sont dans un système complètement différent, et que si eux survivent, il y a une petite chance effectivement aussi que peut-être des organismes beaucoup plus grands et de véritables êtres vivants puissent être prisonniers de ces glaces et avoir eu leur propre développement. Merci Thomas pour cette histoire. On marque une troisième pause musicale dans cet Exocet. On se retrouve juste après pour parler des infos bizarres de la semaine. I leave home. never did want the dawn to break. Beside the crumpled sheets in which we lay. Exocet, on passe aux infos bizarres de la semaine. Alors, si vous êtes un habitué de l'émission, vous connaissez le concept. Chaque semaine, on fait le tour de tout ce qui s'est passé d'étrange, d'insolite, de bizarre à la surface de la planète. On vérifie bien les sources et on vous en sert un concentré ici dans cette émission. On démarre avec une histoire qui s'est passée au Monténégro, une histoire de rat qui, vous allez le voir, semble tout droit tiré d'un film de série B. Alors, c'est des rats qui font la taille de petits chiens carrément, qui sont en train de menacer le Monténégro, puisque donc ils attaquent une station hydroélectrique, et si s'ils continuent à dégrader l'état de cette station, il se pourrait que le Monténégro se retrouve dans le noir, puisque donc c'est une station hydroélectrique assez importante sur la rivière Piva, et donc les employés de cette station sont trop effrayés pour affronter les rats. Tu m'étonnes, ils font la taille de chien. C'est des rats géants qui les rats mutants du Monténégro qui attaquent les câbles, qui attaquent même le béton. Donc les employés disent que ces rats sont vraiment terrifiants, que se retrouver face à un rat qui fait la taille d'un petit chien, c'est qui bouffe du béton. C'est vraiment flippant. Ils ont trop peur pour aller à l'intérieur de la station pour les déloger. Il y en a des milliers apparemment. Il faut qu'on fasse venir quelqu'un avec une flûte. Ouais. Il les attire. Ce serait une bonne idée. Donc il y en a des milliers, et donc à force de ronger, à force de gratter, ils commencent à attaquer le béton. Comme je vous le disais, les câbles sont de plus en plus abîmés, et le barrage menace même de s'effondrer. En tout cas, c'est de ça que les employés ont peur. À force de creuser des trous à l'intérieur du barrage, ils ont peur que carrément le barrage se casse la gueule. Donc ils savent pas vraiment comment gérer la situation. chant des milliers de rats. Alors, Et ils savent d'où sortent ces rats, ils savent d'où ils viennent, parce que c'est quand même pas commun, des rats gros comme ça. Alors, on sait pas vraiment d'où ils viennent, en tout cas, ils ont vraiment, creusé leur nid à l'intérieur de ce barrage. Donc, les autorités locales sont en train de chercher des solutions. Là, en l'occurrence, il faut vraiment une arme de destruction massive pour éliminer ces milliers de rats, tapette à souris de 2 mètres de lance-flamme de long. Et voilà. Donc, là, en ce moment, ils flippent assez. Et c'est vrai qu'on se croirait face à un scénar de série B, l'attaque des rats géants sur le barrage. Ah, je verrais bien ça effectivement sur M6, tu vois. À 20h50. Exactement, deuxième partie de soirée. En tout cas, là, au Monténégro, ça les fait moyennement rigoler en ce moment. Voilà. La deuxième histoire de cette semaine se passe en Amérique. C'est un jeune garçon qui s'est fait poignarder 9 fois. Et l'histoire s'est passée sur le coup de 1h30 du matin, mais il n'a pas rapporté l'attaque avant 8h du matin. Pourquoi ? Tout simplement parce que il dormait. Voilà, et il ne s'est pas réveillé. Alors c'est le chef de la police de Winona qui s'appelle Tom Williams qui dit qu'ils sont en train d'enquêter sur ce cas très très bizarre, puisque donc le jeune homme aurait été poignardé 9 fois durant la nuit, et c'est le matin seulement que sa petite amie lui aurait signalé paniqué qu'il avait du sang plein le dos. T'as des trous. Et donc là il aurait pris conscience effectivement que ça piquait un peu, qu'il avait des blessures, et donc là ils ont appelé la police. Alors peut-être que finalement il avait du bien cuvé lui. Soit il dormait vraiment, mais j'en doute sérieusement. Soit c'est une affaire de règlement de compte. Il hésitait peut-être à en parler à la police et il a attendu un peu. C'est peut-être la fille. C'est peut-être la fille aussi. En tout cas, voilà, l'enquête est en cours et c'est assez mystérieux. Manifestement, les coups sont pas très profonds, puisque sinon, je pense qu'il serait mort. 9 coups de couteau. Oui. En tout cas, voilà, il était en sang et ça l'a pas réveillé manifestement. Une histoire qui se passe dans le Wisconsin à Janesville, c'est une agent immobilier donc qui, je pense, la prochaine fois qu'elle fera visiter une maison, vérifiera avant que tout se passe bien à l'intérieur de la maison, puisque donc voilà ce qui s'est passé. Elle a amené un jeune couple visiter une maison et il se trouve que le couple, en visitant un petit peu seul de leur côté, alors que l'agent immobilier qui s'appelle Linda Chabukas Gallo attendait dans la salle à manger, donc ce couple a trouvé dans la chambre à coucher le corps de la propriétaire qui était mort depuis 2 semaines. Sympa. Voilà. Bon, donc, ça fait pas longtemps qu'elle a été habitée, cette maison, donc elle est encore toute propre, regardez. Alors bon là, c'est vrai qu'ils se posent beaucoup de questions, parce qu'ils disent comment c'est possible, ça fait combien de temps que la maison n'a pas été visitée. Alors le couple s'appelle, c'est Justin et Colin McKean, et donc l'agent immobilier Linda Chabukas Gallo disait que voilà, elle les attendait dans la salle à manger, tout à coup elle a entendu hurler, elle est allée voir ce qui se passait, elle a vu ce corps, et donc la police, après autopsie, a affirmé qu'elle était morte depuis au moins 2 semaines. Alors l'agent immobilier ne savait pas à qui appartenait la maison, elle avait juste les clés, elle y est allée. Elle a quand même dit qu'elle avait senti une odeur bizarre en rentrant. 2 semaines, ça macère. Ça devait commencer, ouais. Elle a mis ça sur le dos du fait que la maison était fermée, donc elle a dû dire ça sent l'enfermé, ça sent la poussière, etc. Petit problème donc, d'humidité dans ce cas-là. Quand même. C'était bien un cadavre. Et est-ce qu'il est compris dans la maison? Alors je ne sais pas si c'est en option. Il faut qu'ils négocient là, ils l'ont trouvé. Il était à la base quand ils ont visité, normalement ils doivent le garder. Voilà. En tout cas, je pense qu'ils sont pas prêts de la refourguer hein, cette maison, puisque bon voilà. Faites attention les agents immobiliers, essayez de vérifier qu'il se passe rien de ce type, parce que je sais que près d'ici dans la région, il y a eu une affaire similaire avec un corps qui a été retrouvé pendu alors que voilà, un agent immobilier faisait visiter un couple. Sympathique. Donc, voilà, aussi. Apparemment c'est un agent immobilier faisait visiter un couple. Ouais. Donc apparemment ouais, c'est le genre de cas qui arrive assez bon, souvent. Bon, y a pas de lumière, je suis désolé parce que le lustre est cassé. On parlait tout à l'heure de cailloux. Eh bien, sachez qu'un caillou a été vendu cette semaine pour la modique somme d'€1 million dans une exhibition artistique en Chine. Mais c'est pas n'importe quel caillou, puisque ce caillou est doté d'une chevelure, une chevelure de 15 cm de long. Donc, il est exposé à l'exposition annuelle des pierres rares de Chine. Et donc le caillou fait 30 cm de long et il a une sorte de chevelure de 15 cm de long, une chevelure blanche, et on dirait vraiment qu'il a des cheveux, ce caillou. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est assez bluffant, on dirait une tête avec des cheveux. Mais c'est quoi en fait? C'est du lichen, des trucs comme ça? Alors, les responsables de l'exhibition pensent que c'est une sorte de, oui, de moisissure, de champignon qui a poussé à la surface et qui fait qu'on a l'impression que c'est des cheveux. Mais c'est vraiment très très filandreux, très très impressionnant. Et donc, en Chine, on sait qu'ils sont très superstitieux, qu'il y a beaucoup de légendes, beaucoup d'histoires comme ça, mythologique, et c'est, donc, c'est le grand-père des cailloux qui se déplace. Voilà, exactement. C'est l'explication. Il a toujours eu la tête dure. Ouais, en même temps. C'est le doyen des cailloux. Donc voilà, le caillou est parti à 1 million d'euros, ce qui fait cher pour un caillou, vous me direz, mais en même temps, c'est pas tous les cailloux donc qui sont équipés d'une chevelure. Voilà, on marque une première pause dans ces infos bizarres de la semaine. On se retrouve juste après pour la suite et la fin d'Exocet. We'll be right back. Toujours sur Age, pour la suite et la fin d'Exocet, on parle d'infos insolites. Et donc on commence avec une histoire qui s'est passée en Inde, à Hyderabad. Et c'est une histoire qui nous ramène aux plus sombres heures de l'Inquisition, puisque donc il s'agit d'un couple, d'Indiens qui ont été brûlés, carrément accusés de magie noire. Donc ils ont été carrément attachés l'un à l'autre sur un bûcher. On les a aspergés de kérosène, on a mis le feu. Donc il s'agissait de Sayana, qui est âgée de 70 ans, et de sa femme Pochama, qui avait 61 ans. C'est horrible. C'était des fermiers, c'était des paysans, et ils pratiquaient quelques médecines traditionnelles, donc c'est un peu des guérisseurs finalement, et ils ont été condamnés par quelques villageois pour magie noire. Donc la police est arrivée un peu tard, ils étaient déjà morts, mais ils ont arrêté quand même 6 villageois pour l'incident. Il faut savoir qu'en Inde, la croyance dans la magie noire est assez commune dans certaines parties de l'Inde rurale. Et malgré la croissance actuelle du pays en ce qui concerne les nouvelles technologies et l'informatique, il y a encore une partie d'obscurantisme assez prononcée. Donc voilà, elle se concrétise par ce type d'acte. Il y avait eu d'autres cas, notamment celui d'un père qui avait carrément fait massacrer sa fille par un sorcier, donc pour l'exorciser. Et donc voilà, c'est ouais, très refroidissant. Ouais. Sans compter que les mouvements de foule, ça va généralement. Ah oui, en plus. Quoi. Il suffit que le mot soit évoqué pour soulever les passions. Et... Ouais, c'est vrai que la foule est souvent favorable au lynchage. Elle réfléchit pas tellement. Donc voilà. L'histoire d'après s'est passée à Johannesburg. Donc en Afrique du Sud, et il faut savoir que Johannesburg, donc c'est un des endroits les plus dangereux et puis les plus cités en ce qui concerne donc l'insécurité des femmes, notamment beaucoup de viols. Et donc l'Afrique du Sud, voilà, est considérée comme un des pays actuellement les moins sûrs de la planète, donc beaucoup d'agressions, beaucoup de viols. Et là donc on a eu affaire cette semaine à un gang qui a capturé un homme. Donc voilà, ils l'ont menacé avec un pistolet, ils l'ont forcé à les amener chez lui. Donc apparemment ils étaient habillés en costume, ces hommes-là. L'homme qu'ils ont pris en otage avait une cinquantaine d'années. Une fois qu'ils se sont retrouvés chez lui, ils l'ont déshabillé et ils l'ont collé avec de la super glue à un vélo d'appartement, son vélo d'appartement. Donc voilà. C'est horrible. C'est atroce, mais ce truc insupportable, quoi. Vraiment, parce que là on s'attaque à la dignité du mec. Tu vois, à la limite il aurait tué. Là c'est vraiment sa dignité d'homme. Donc voilà, ils l'ont mis à poil, collé avec de la super glue, ils ont collé les mains avec de la super glue, la bouche. Ils ont saccagé sa maison, ils l'ont cambriolé, ils sont partis. Et c'est la femme de cette malheureuse victime, donc il a retrouvé plus tard, trois heures après, ouais. quand elle est rentrée du boulot. Et donc évidemment, il y a fort à parier que ce qui traumatisera cet homme pendant encore de longues années, c'est pas le fait d'avoir été cambriolé, mais vraiment le fait d'avoir été humilié à ce point-là. C'est assez insupportable. Et apparemment, ce genre d'agression est fréquente en Afrique du Sud. Donc. Et d'ailleurs, il s'inquiète parce que c'est là où il va y avoir la Coupe du Monde. Et du coup, il s'inquiète que ce pays soit vraiment dangereux. Tout à fait. Parce qu'on peut pas accueillir autant de personnes dans des conditions. Moi, j'avais vu un reportage sur l'Afrique du Sud, et c'est un truc de dingue parce que les cambrioleurs, ils utilisent même des codes qu'ils placent devant les maisons. Donc il y a des polices maintenant qui sont formées pour essayer de trouver ces codes. Ils sont des trucs de dingue, genre ils posent des bouteilles à l'envers, ça veut dire que dans 200 mètres il y a une maison avec un portail qui est jamais fermé, machin. Enfin, ils ont comme ça plein d'éléments, et c'est vrai qu'apparemment ils sont assez virulents dans le coin. Et on retourne en Inde pour la dernière info bizarre de la semaine, à Patna, où des centaines de curieux affluent dans un village du fin fond de l'Inde orientale pour voir un homme, un vieil homme, qui est inconsolable depuis qu'il a perdu sa femme, et il a élu domicile donc depuis 6 ans dans sa propre tombe en attendant bah, que la mort vienne apparemment. Donc pour occuper ses journées, cet homme qui s'appelle Basanta Roy et qui dit être âgé de 103 ans, mais il arrache les mauvaises herbes, il s'allonge au fond de la fosse et il attend. Donc c'est un homme qui appartient à une caste d'hindous qui enterre ses morts, alors que d'habitude dans la tradition funéraire majoritaire, on brûle les cadavres. Mmh. Donc lui, il a creusé sa tombe juste à côté de celle de sa femme, qui est morte à la fin des années 90, et il attend comme ça, jour après jour, dans sa tombe, et aujourd'hui, bah, c'est devenu une attraction populaire, voilà, des centaines de gens viennent le voir, donc peut-être que ça va lui redonner goût à la vie, finalement, d'être une célébrité, parce que, en fait, s'il était aussi désespéré, c'est parce qu'il n'avait plus rien à attendre de la vie, donc là, ça devient une star, alors j'espère que ça va le retaper un petit peu. Voilà, c'était Exocet, chers amis, j'espère que cette émission vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, 102.5, juste après sur Age, c'est Bruit de scène, donc l'émission dans laquelle vous pourrez écouter beaucoup de morceaux live, beaucoup de versions live de classiques ou de morceaux moins classiques. Voilà, restez sur Age, passez une bonne soirée, bye bye. Ciao. Le bizarre, l'inclassable, le décalé sur Age.